des taches sur ce coin désertique qui avance en relâche des pions de sa tactique. Ce n'est qu'un voyageur qui cherche un oasis pour s'exercer au sport que les foules applaudissent. Mais il tourne et retourne sans jamais trouver le bon endroit. Il espère une ristourne à ce qu'il doit payer chaque fois. Quand les pierres des chemins le blessent, ou que les brumes sont trop épaisses, pour que ses pérégrinations donne du bonheur à foison. Pour solder le tout compte, il reverse à ses verres le trop plein qui lui monte la tête contre ses pères. Il entrevoit le succès quand il loue le terroir et la félicité lui confie obligatoire. Mais il chasse et rechasse pour entrer toujours un peu plus bredouille. Quand l'autre pendant que sa chemise lui la mouille. Quand les pierres de chemin le blessent, que les brumes sont trop épaisses, que ses pérégrinations lui donnent du bonheur à foison. Les départs en fanfare sont des rêves qui se fanent si on est trop bonne poire. Mais il met et remet cent fois mille fois son métier sur l'ouvrage pour finir en beauté, si jamais s'envoler tout son courage. Quand les pierres des chemins le blessent, que les brumes sont trop épaisses, que ses pérégrinations